More Et oui, les Maudits Blues, un groupe fondateur du progressif. Souvenez-vous, 67 Nights in White Satin, le premier groupe à marier rock avec musique classique, puis qu'ils ont enregistré avec un orchestre symphonique. Extrait de To Our Children's Children's Children, on ne dit pas à tes souhaits, merci bien, tout va bien. Donc un album de 69, superbe, on voit une couverture, sur la couverture on voit donc une main en train de tracer des peintures murales préhistoriques. Voilà, c'est un disque donc pour les enfants, des enfants de nos enfants. Watching and Waiting, c'est le morceau qui termine donc cet album. Voilà une petite révision donc après donc le Genesis A Trick of the Tail de 75, Muddy Blues to Our Children's Children's Children. On continue avec Manfred Mann, autre groupe phare du progressif, même si pour certains il n'est pas classé dans cette catégorie. Un groupe que je trouve absolument superbe au niveau des vocaux, au niveau de la guitare. Un album qui date de 75 lui aussi, Nightingales and Bombers, les rossignols et les bombardiers. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce bazar? Simplement, c'est un album donc qui comporte un morceau qui a été enregistré, enfin dont les bruitages ont été enregistrés pendant la guerre 39-45. Voilà, il y avait un professeur spécialiste des oiseaux, ornithologue, si je ne dis pas de bêtises, qui donc est en train d'enregistrer les chants de rossignol, et à ce moment-là, eh bien, on a entendu les bombardiers de la Luftwaffe, les bombardiers allemands qui survolaient Londres, voilà, et Manfred Mann l'a utilisé de façon très astucieuse. Je vous laisse tout de suite avec Manfred Mann, ça tombe bien, il faut que je réponde au téléphone. Manfred Mann. Thank you. Votre humble serviteur a passé une partie de ses vacances en Andalousie et puis bien évidemment vous allez vous coltiner une petite séquence rock progressif espagnol. Oui, le rock progressif espagnol existe, je l'ai rencontré, il est florissant, peut-être moins riche que le rock progressif italien qui lui était absolument fantastique, voire relire Storia di un minuto, publié par les éditions Acid Dragon, c'était la séquence pub. Oui, donc je disais que le rock progressif espagnol a eu quand même son heure de gloire. Un rock progressif matinée de flamenco, ne rit pas, c'est très très intéressant. Il y a des aspects donc de guitare sèche et de percus inspirés du flamenco qui se mélangent au progressif de toute beauté. Voilà, il y a plusieurs groupes qu'il faut citer. Tout d'abord Triana qui a débarqué donc juste à la mort de Franco en 75, ainsi que d'autres, et qui a fait des petits, en fait ils ont fait référence, c'était le premier grand groupe progressif, un peu le ange de là-bas, hein, peut-être pas au niveau du style, mais au niveau de l'influence, au niveau de la popularité. Un groupe qui s'est arrêté au début des années 80 avec la mort du chanteur, et donc Triana, qui a fait des petits, je disais, qui donc continue d'influencer pas mal de groupes, en Espagne, on verra entre autres Medina Azahara qui est un peu le fils spirituel de ce groupe. Et également, il faut citer Bloqué qui serait plutôt proche de Pink Floyd ou de Eloy pour ce qui est donc du progressif espagnol. Voilà, on peut citer Alameda qui est un peu aussi dans la lignée de Triana avec un peu de jazz rock dedans et puis d'autres comme Canarios, comme Crack, etc. Mais enfin voilà, c'est quand même les principaux groupes. Donc je vous propose un petit extrait de Triana, le premier carrément. Vous allez voir, ça a un petit peu vieilli, mais c'est intéressant. Et on passera après avec le fils spirituel à Medina Azahara. Triana tout de suite sur le 90.7 et je vous rappelle, vous êtes bien à l'écoute de Bande à part, l'émission du rock progressif. Thank you.

and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, I want to be like you. I want to walk like you, talk like you. You see it's true. An ape like me can learn to be human too. Voilà, fin de cette séquence qui a été quand même brève sur le rock donc progressif espagnol avec Triana Medina Azahara. On reviendra dessus, je pense, mais lors d'une autre émission. Donc je rappelle Triana, extrait du premier album El Patio de 75. Medina Azahara également extrait de leur premier album Paseando por la Mezquita. Faut préciser que Triana, c'est une allusion évidente pour un espagnol à un quartier populaire de Séville. Medina Azahara, quant à elle, c'est une c'est un palais construit par un prince musulman dans les environs de Cordoue. Vous voyez donc fortement ancré dans la tradition andalouse, ces deux groupes. Voilà pour ce qui est donc du progressif espagnol, en tout cas un petit aperçu. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what you do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Pour ceux qui trépignent d'impatience, voilà les nouveautés, elles arrivent. Et on commence tout de suite très très fort avec Arena. Et oui, ça y est, Acid Dragon l'a reçu. Welcome to the Cage, le deuxième album, est paru. Arena, vous vous souvenez, c'est un groupe british formé entre autres avec le batteur et créateur de Marillion, ainsi qu'avec de hautes pointures, grosses pointures, dont le claviériste Clive Nolan, celui qui joue dans Pendragon. Alors Arena, donc deuxième album, le premier était sympathique, peut-être un peu racoleur à mon humble avis. Ce deuxième décolle vraiment, c'est un concept, c'est vraiment superbe. Je me suis régalé, voilà, donc pour ce deuxième album. Vous allez entendre un long morceau, vous en avez pour 9 minutes. Voilà, et je termine sur Arena en précisant que, donc, si tout va bien, et coucou à monsieur Roger de la FNAC, si tout va bien, eh bien, Arena sera à Lyon, au Globe, le 14 octobre. C'est un lundi 14 octobre. Pardon, j'en bégaye tellement d'impatience et de joie. Le 14 octobre au Globe à Lyon, voilà, en concert Arena. En tout cas, d'ici là, vous pouvez toujours découvrir cet album, il est superbe. Arena. I want to be like you. I want to walk like you. Talk like you. Do woo woo. You see it's true. Someone like me can learn to be like someone like me. Take me home, Daddy. Can learn to be like someone like you. One more time. Yeah, can learn to be like someone like me. Say, did ba ba ba da doodle da da da da da. You're listening to Pandapa, the progressive program in Lyon. Thank you. eyes bleeding in the field. Remorse and second thoughts are not enough to shield me from the consequence. Horses, war cries, don't thank me. Horses, armies, don't thank me. Dedicate your life to this with blood vows and loyalty. Dedicate your life to me with suicide, atrocity. Onward, fervent, I'll drag you down. Torture, torment, I'll drag you. One who lies bleeding in the fields. A pardon for these actions and passions committed in the name of our salvation. Ça va, vous vous remettez de vos émotions, je vous l'avais dit, c'est superbe. Voilà, pour les béotiens, les ignares ou ceux qui se réveillent après une bonne, un bon samedi soir un peu arrosé, il s'agissait d'Arena, comme le sable. Et oui, Arena en latin, ça veut dire sable. Arena, et c'est leur deuxième album, ça s'intitule Pride, c'est P-R-I-D-E, c'est-à-dire la fierté. Voilà, j'arrête de faire le prof. Et on va continuer aussi dans le symphonisme et l'emphatique avec Aaron. Alors Aaron, ça s'écrit A-Y-R-E-O-N, The Final Experiment, l'expérimentation, l'expérience finale. Voilà, nouveauté aussi de toute beauté sur le 90.7, et c'est Bande à part, l'émission du rock progressif. Restez bien à l'écoute, dans quelques moments, il y aura des choses à gagner. Scientists from the 21st century have developed a new computer program called Time Telepathy. By using this technique, they have sent visions of humanity's decline back in time. These transmissions have been received by the mind of a blind minstrel who lives in 6th century Britain. His name is Arian. Quest to sing of these visions and thus warn the world of its impending downfall in order to change its future into a long and prosperous one. Let us go back to the Dark Ages. Dark Ages. Dark Ages. Thank you. pochette très arbitre, puisqu'on voit des ouvrages d'art, comme on dit chez moi, des ponts.